Bienvenidos al podcast Doramas. Este es el podcast ya número 5. En este caso es el podcast correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2007. Como sabes, Doramas ofrece dos podcasts al mes, uno en la primera quincena y otro en la segunda. Eso sí, son podcasts llenos de música, de buena música. Y sin más, comenzamos. Tout autour de l'espace, il y a un petit coin tranquille. taxi, pas très grand déprime, un peu fébrile. Autour c'est le vide et rien ne vit, tout est endormi. Elle te protège, sans elle tu n'es pas. Ce que tu vois, tu es, n'existerait pas. Elle est ta mère, te prend dans ses bras. Le grand soleil ne te nuit pas, elle filtre pour toi. Des milliers d'espèces ont marché dans tes pas. Et d'autres marcheront quand tu ne seras plus là. Respecte un peu l'air qu'elle souffle pour toi. Et montre de la terre car elle a besoin de toi. Les sous-souris préhistoriques, le mot habilis. Toutes ces espèces ont réussi à vivre dans un désert où la terre est une oasis. L'homme a trop grandi et il n'a pas vraiment compris que toutes les plantes, les fleurs, les arbres, les animaux aussi vont disparaître à cause de son oubli. Et l'homme sera tout abruti de se retrouver au centre du piège qui se referma sur lui. Deus, foi verdade, foi de coração. E nas lembranças que passavam como filme, você protagonizou. Provou que era visão.

Pues hemos llegado ya al final de nuestro podcast número 5. Espero que la selección musical que les he preparado en esta ocasión haya sido, pues, de tu agrado. Por aquí ha sonado hoy la música de Sol Carlos, de Fishbone Rocket, de Alimaña, La Fusa, Williamson, Misery, Jongen y Electronic World. De todos modos, sabes que todos los nombres y los enlaces y todo lo relacionado con este podcast, pues lo puedes encontrar en concreto en doramas.net/685. Recuerda también que hay una cuenta de correo de contacto para cualquier asunto relacionado con el podcast Doramas, doramas.net@gmail.com. Pues nada, dentro de 15 días aproximadamente, dentro de la primera quincena del mes de agosto, volveremos con otra propuesta musical. Hasta entonces, que sean muy felices.